J'suis triste comme d'hab. Faut que c'est pas la peine de réfléchir. La mélodie me fait du bien. J'pense plus à Gucci pour me vêtir. Parfois j'm'habille en gueux, j'bats les couilles. Plaire à qui, à quoi, pourquoi faire. Les années passent comme la galère. J'rêve toujours de cette maison sur la mer. Y'a eu des bons moments, mais beaucoup moins que ce noir qui s'installe dans mon regard, dans mon miroir. Ego, c'est nous commence, vécu de toi ça. Va savoir pourquoi j'ai plus rien dans le tiroir. J'sors un sourire, j'me dis qu'il est faux. C'est pas normal d'être si malheureux. J'dors pas à 2h, j'me dis qu'il est tôt. J'vois mes démons, mais j'suis pas peureux. La solitude, c'est juste une queue pu. Être accompagné de ses faux sera une partouze. Et ce soir, j'fume, j'suis torse nu. J'suis devenu aussi vite que ma trousse. Faut s'en sortir, Tariq. La vie, c'est ça, Tariq. Tu les encules, Tariq. Un jour viendra nos paniques. Ma foi, les larmes sont brûlantes. Oh mon Dieu, j'attends les dés et vite. La roue a tourné ou peut-être pas. Au fond, tout ça, c'est toi qui décides. Y'a pas d'amour qui tienne. Je laisse croire qu'ils connaissent tout ça. S'ils savaient ce que ça veut dire, ce que ça comporte. Mais bon, comme on dit, qui vivra verra. Hey, c'est la vie, ma belle. Wow. Ce pauvre et si moi, je le trouve beau. De façon, la misère est si belle. Hey, hey, toute l'année, je les aime. Je rêve d'un avenir heureux pour eux. Car au fond, sourire nous voit merveille. La misère est si belle. Zou, la misère est si belle. Car la misère est si belle. C'est du, la misère est si belle. Bah, la misère est si belle. Zou, la misère est si belle. Car la misère est si belle. C'est du, la misère est si belle. Bah, j'irai dans la ville, je ne crains rien loin de l'illicite. Mais je traîne dans la rue parce que j'aime depuis que je l'étais qui. Je croyais que je l'oublierais, ouais, comme une fille facile. Je la rejoins pour péter ma gun 22 à la street. Tu sais qu'est-ce que j'aime, ce qui nous ressemble. Parce que la peine et la haine nous rassemblent. Envie de goûter au vent, étouffé par le temps. Rien n'est plus comme avant, un peu comme les gens. Mais j'ai gardé le sourire, pas prêt à accepter le pire. Mon cœur perd sa couleur, mon amour pour l'amour se meurt. Si je partage ma douleur, je le ferai avec mes démons. Ils comprennent mon côté sombre. J'étais drogué dans la ville, remonté sur d'Espagne. Pour des meilleurs tarifs, pour aller plus vite que les grammes. Ils veulent tous des fuites, avec Tariq on a dit non. On les baise, on est quitte, dans quelques billets de 500. L'éducation de la cagoule. Même si je m'embarre, c'est tatoué. Incompris dans la foule. J'abandonnerai la vérité. Dans les coins sombres, j'ai mordu à l'hameçon. Dans la lumière, réciter la leçon. Maintenant que je te connais, mais je t'en veux pas d'être une merde. Faut que je quitte la terre, pirate veut reprendre la mer. Mais les océans se sont en allés. Comme les fours de Gerger. Comme les tours de mon ZT. À la monnaie ressemblent nos journées. On sait d'où on vient, sans savoir où on va. Mais on tordra, ces âmes verra. Aucune question pour l'homme, sans réponse je fais somme. Je suis regardé, je veux moi non plus ce que j'aime. C'est la vie ma belle, wow. Ce pauvre et si moi je le trouve beau. De façon la misère est si belle. Hey, hey. Toute l'année je les aime. Je rêve d'un avenir heureux pour eux. Car au fond sourire nous voit merveille. La misère est si belle. Zou, la misère est si belle. Car la misère est si belle. C'est du, la misère est si belle. Bâti, la misère est si belle. Des 5, la misère est si belle. Des 4, la misère est si belle. RERD, la misère est si belle. RERC, la misère est si belle. Ivry, la misère est si belle. Corbeil, la misère est si belle. Banane, la misère est si belle. Webati, la misère est si belle. Nabil, la misère est si belle. Karim, la misère est si belle. Coco, la misère est si belle. Mouraki, la misère est si belle. Mes coffres, la misère est si belle. Ma coffre, la misère est si belle. Mon hall, la misère est si belle. Mon toit triste, la misère est si belle. Baba, la misère est si belle. Habiba, la misère est si belle. La misère est si belle. Oh ma vie.